Alors, qu'est-ce que tu penses de ton expérience à Paris ? Dans l'ensemble, je suis très contente de mon expérience ici. Pourquoi ? Qu'est-ce qui te plaît ? Tu sais, j'aime beaucoup vivre dans un contexte international. Et j'ai de la chance parce que j'ai rencontré non seulement des Français, mais aussi des gens de partout. D'Europe, d'Amérique, d'Afrique, d'Asie. Oui, effectivement, c'est intéressant de pouvoir découvrir des cultures différentes. Ah oui, c'est passionnant.